18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour et bienvenue sur votre émission Convergence. Programme du jour, nous recevons aujourd'hui un invité, donc un pensionnaire qui est déjà venu mixer dans l'émission de Seb. Donc on lui fait une petite dédicace. Salut Seb. Donc il se nomme en fait deux façons, soit par quatre lettres, soit par son nom qui signifie. Donc sans plus attendre, donc, il se nomme SPLT, ou sinon Superlative. Il vient de Grenoble. Aujourd'hui, on commence à se passer l'émission. On va faire une petite interview rapide. Derrière, il nous fera le plaisir de nous offrir un petit mix, 40 minutes. Et à la fin, on vous prépare une petite surprise. Voilà, donc restez à l'écoute. Vous nous écoutez sur le 89.5 et sur l'internet, donc www.crocradio.com. N'hésitez pas à réagir, vous avez le nouveau player avec le nouveau site. Et vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook. Donc vous cherchez dans la petite barre Convergence, vous nous trouverez. N'hésitez pas à réagir. Bonsoir Superlative. Bonsoir. Ça va, t'es chaud Ça va, ouais, je suis chaud. Impeccable. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours depuis le début dans la musique ? Eh ben, ça fait environ 5 ans que je mixe et ça fait maintenant, depuis que je suis à Grenoble, depuis 2-3 ans que je commence à mixer en club. Très bien. En soirée. Impeccable. Et du coup, comment tu t'es mis à la musique ? Pourquoi ? Eh ben, je me suis mis à la musique parce que mon frère avait acheté des platines pour lui, pour mixer. Et au final, je me suis mis à squatter ces platines et à commencer à enregistrer quelques podcasts et à les poster sur SoundCloud. Et CD, vinyle ? C'était CD, ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier disque que tu avais acheté ? Le premier disque que j'ai acheté, c'était un disque de Boys Noize. C'était l'album Oi Oi Oi. Okay. Son premier album qu'il avait sorti. Un mortel, ouais. À niveau de tes influences, quels sont les artistes que tu affectionnes ? Beaucoup. Et j'aime beaucoup tout ce qui est techno de Détroit, Neuron Résistance, pour ce qui est plus ancien. Ouais. Et actuellement, j'aime bien ce que fait Zadig ou Daniel Avery. Ah, il est bon, lui, ouais. Toutes les nouveautés un peu techno anglaise qui arrivent là. Grosse influence sur la scène anglaise. Ouais, en ce moment, ouais, pas mal. D'accord. Donc j'ai vu que tu produisais aussi. Donc en studio. Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'es mis à... Ça doit faire 4 ans que je me suis mis à la prod. D'accord. Et ça doit faire le temps de comprendre tout ça. Ouais, ça doit faire 2 ans que j'arrive à faire des morceaux avec sur la prod. Et alors quand tu t'es mis à la prod, on t'a poussé, il y avait déjà des potes qui le faisaient. Ouais, j'avais quelques potes ouais, qui produisaient un peu, donc ils m'ont un peu appris à apprendre le logiciel, quoi. Et d'accord. Au final, après, sinon, tout seul ou comme ça. Impeccable. Donc, j'ai vu, il y avait certaines tracks donc, que j'ai retenues. Et ce qui est marrant, c'est que tu nommes tes tracks avec les dates. Est-ce que c'est... Alors, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que c'est les dates ou c'est un autre délire ? Ouais, c'est les dates, c'est ça. Bah, c'est quand je commence la track, en fait, ou quand je la poste. Okay. Ouais, plutôt quand je la poste. D'accord. Et quand je finis la track, quoi. Et j'en nomme comme ça. Impeccable. Par la date. Et du coup, donc moi, il y a trois morceaux que j'ai retenus. C'est la 22-04-2017. Ouais. Et puis la 24-12-2015. Où il y a une belle profondeur dedans. T'entends que tu relances. Un peu dub, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Des nappes, ça revient, ça relance. Ouais. Et en fait, il y a dans la 10 000 aussi. Alors, c'est pas. Ouais, parce que là, c'est pas une date 10 000. Ouais, non, c'était pas une date, c'était plutôt en référence à une track que j'avais écoutée. Ok. Un peu abstrait, je sais pas aussi. D'accord. Et du coup, ça. Je me suis dit, c'est vrai que dans celle de 10 000, la profondeur que tu avais donnée dans la 24-12-15, que tu pourrais exploiter aussi dans celle de 10 000, qu'il faut lui apporter. Voilà, après, c'est juste une réflexion perso. Quoi. Okay, ouais. J'écouterai. Voilà. Et puis, donc, on va terminer tes futurs projets pour l'avenir. Eh ben, là, sortir un EP, pourquoi pas, dans le courant de l'année prochaine. Et là, je viens d'intégrer le collectif Infrason qui est sur Grenoble et sur Lyon. Ah, ils bougent bien, on les entend bien aussi. Ouais, donc je vais commencer un peu à tourner avec eux, travailler avec eux. Parfait. Et du coup, on peut te retrouver où ? Eh ben, on peut me retrouver sur SoundCloud, Facebook et Mixcloud. Donc au nom de SPLT. Donc SPLT, SoundCloud, ok. Très bien, donc il n'y aura plus qu'à chercher ça sur la bande FM. Donc là, bah écoute, on va être prêt pour lancer le mix, le petit mix, d'accord. Donc on va y aller doucement. Donc on t'attend derrière les platines. Je te remercie. Et j'arrive. Et puis et à la fin, on se fera une petite surprise. On t'a préparé un petit truc. Allez. Donc écoutez, on est parti pour 40 minutes de set avec SPLT. Allez, salut. No. Bon, ben voilà, nous étions en train d'écouter Alexandre, donc connu sous son nom d'artiste SPLT. Voilà, on te remercie. Alors Alex, comment s'est passé ton mix? Comment tu l'as senti? Bah, c'était cool, ouais. Bon, super. Bien passé en tout cas, ça a bien navigué entre la techno et ma break, techno break, donc c'était bien cool, plein de nappes. Yes, donc, merci. Super. Donc, petit quiz de dernière minute, hein, petite surprise. Alors, moi, ce que je vais faire, ça va être simple, super facile. Je te propose une question et tu as deux réponses possibles. Donc, okay. On va faire ça rapide, on va enchaîner. OK? Alors, donc une petite dédicace, par contre, à Peggy, qui justement, normalement, le fait. Donc, c'est sa petite chronique. Voilà, donc petite dédicace Peggy. Alors, on commence. Alors, Charlotte De Witte ou Amélie Lynx? Amélie Lynx, ouais. OK. Scène ou studio? Les deux. OK. Grenoble ou Berlin? Je sais pas, j'ai mal à Berlin, mais pour l'instant, Grenoble, c'est bien. OK. Ski ou snow? Ski. MP3 ou vinyle? Vinyle, hein, mais c'est un peu compliqué d'écouter de partout. OK, très bien. Before ou after? Bah, les deux. Hein. Même pas choisir. OK, OK. Et enfin, le dernier, The Hacker ou Agoria? The Hacker, quand même. The Hacker. Nickel. Bon, eh bien, écoute, je te remercie d'avoir passé ce bout de temps avec nous. Merci, ouais. Merci, on arrive à la fin de l'émission, on te remercie. Écoutez, on va terminer l'émission sur un son de SPLT. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, entre 18h et 19h, crocradio.com. Allez, merci à tous, au revoir. Convergence. Culture et musique électro-underground.